La Théo des fleuves de Jean-Marc Turine. Premier épisode. Tel un fleuve, traçant et effaçant ce qu'il écrit dans un même écoulement, les mots affleurent et s'évanouissent dans l'âme de la vieille Théodora. Les a-t-elle entendus? Les a-t-elle inventés? Les cieux sont nus et vides de toute éternité. Nuit vide. Les années ont consumé sa mémoire devenue particule de poussière. À l'approche de la mort, le feu de son corps s'éteint sans brusquerie, dans le calme étal d'une sagesse sans illusion. La lumière ne sait pas ce qu'elle fait. Elle a la fantaisie de l'enfance, l'innocence de la musique, la fulgurance de l'amour, et elle garde la mémoire des crimes perpétrés, inavoués, inavouables, au nom d'intérêts partisans. Nu et vide demeurent les cieux dans l'éternité. Qu'importe ce que je dis et comment je le dis, puisque je suis ici, dans l'inconfort. Tout me convient. Je l'ai voulu. Quelle heure est-il? Il est temps de bouger. Pour aller où, grand-mère? Quelque part. Sortir de l'existence pour rencontrer la vie. Le jour décline. La vieille Théodora est revenue chez les siens, dans les faubourgs pauvres d'une ville portuaire, sur les rives d'un fleuve, pour y mourir. Elle savait la pauvreté qui frappe dans les nouveaux ghettos. On lui avait expliqué le rejet racial persistant, comme celui qu'elle avait connu dans sa jeunesse. La vieille Théodora souhaitait retrouver les atmosphères de son enfance. Elle avait emporté avec elle une valise en cuir usé contenant quelques vêtements, des bijoux, des objets de toilette et un livre dont elle n'avait pas voulu se séparer malgré sa vue défaillante. Quel âge as-tu ? Quand on lui demande son âge, elle lève un bras en secouant ses bracelets. 1000 ans. Et des millions de corps de femmes ont traversé mon corps. Quelle importance. Personne ne comprend pourquoi elle est revenue pour partager une pauvreté générale qui gangrène les familles comme une épidémie. Un jour, une femme lui a dit « Tu ne vois pas ce qui nous entoure et c'est mieux pour toi. Mais ici, nous vivons dans le trou du cul du monde. Un seul point d'eau pour 300 personnes. » Et l'électricité est coupée la moitié du temps. À 35 ans, nos hommes sont déjà des vieux. Ils sont malades et nous n'avons pas d'argent pour acheter les médicaments. Il n'y a rien qui vaille la peine. La terre elle-même a cessé de croire au soleil et les pluies n'apportent que détresse. Parce que vous êtes restés à croire en nos légendes. Parce que vous vivez dans le fatalisme du subissement. Vous croyez encore qu'en restant entre vous, vous préservez notre culture. Vous avez peur des rencontres, des brassages, nos légendes, nos contes. Crois-moi, je les ai connus aussi bien que toi, ta mère et ta grand-mère. Tout le monde applaudit à la liberté retrouvée après la chute de l'ancien régime, à la démocratie. Mais nous le regrettons, et comment? Aujourd'hui, nous vivons de nouveau comme avant la Seconde Guerre mondiale. Quant au mot « travail », il est sorti de notre vocabulaire. Puisque même comme éboueurs, ils veulent pas de nous. Certains des nôtres se sont enrichis au-delà de tout entendement. Ils se construisent des palais à côté de nos taudis et la solidarité. Rien. Ils renient leurs origines. Ils me dégoûtent. Alors revenir, vraiment, qu'est-ce qui t'a pris ? La nostalgie de la terre natale, peut-être. La lumière chaude pèse sur les genoux de la vieille dame, sur ses mains. La lumière ressemble à l'accordéon. L'accordéon mort de n'être plus pris dans les bras. Comme mon corps s'en va mourir. L'accordéon meurt. Oui, ce n'est rien. Une arme peut détruire un accordéon. Mais aucune arme, aucune flamme ne peut faire taire le dévoilement de la musique. Ce que j'ai vécu ne se reproduira pas. Ce que j'ai vécu a disparu dans les forêts de mon enfance. Je suis de tous les continents, de tous les océans, de tous les fleuves. Rien de nouveau sous les étoiles qui illuminent le ciel et donnent une direction aux hommes aventureux. Devant la maison, les enfants vont fesses et pieds nus, vêtus de guenilles, les cheveux secs comme des brindilles mortes. Une jeune mère de 16 ans donne le sein assise sur un billot de peupliers. Plus loin, une femme assise sur les talons alimente un feu qui servira à cuisiner le repas du soir. Adossé à un mur, un jeune homme, boucure, coiffé d'un chapeau noir à large bord, observe la grand-mère assise dans son fauteuil face à la fenêtre ouverte. Il s'approche de la grand-mère. Tu t'appelles comment ? Boucure. Ah. Et qu'est-ce que tu fais ? Nous avons quitté l'école, mes copains et moi. On te l'a dit ? Dans ce pays, dès l'école primaire, on nous place dans des écoles spéciales. Pour débiles, quoi. Parce que nous sommes ce que nous sommes. Faudra que ça bouge, et vite. Je veux pas vivre comme mon père a vécu avant de mourir comme un con dans un accident de bagnole. Autant crever tout de suite si nous continuons de supporter nos ghettos de misère, d'ignorance et de faim. Nos grands-pères, nos grands-mères, sont des oubliés des chambres à gaz, des charniers et des fosses communes. Pourquoi ? Pour toute explication, ma mère dit « Regarde la couleur de ta peau. Ouais, » Ma peau ? J'emmerde ma peau. Je demande « Pourquoi ?» Et je te le demande aussi. On dit que tu as traversé de nombreux pays, que tu es instruite. On dit même que tu sais lire et écrire. Ah, tu as raison, ça doit bouger. Tu as raison. Même si le dire est aussi vain que de dire le bien ou le mal, l'endroit ou l'envers, la raison ou l'utopie. Quel mot utilises-tu pour nous désigner ? Nègre blanc ou enfant du vent ? Je préfère le mot qui nous est lancé comme une insulte. Zigane. Ce mot parfait qui fait de nous des parias. Je le connais aussi. Je connais sa richesse. Sa droiture. Il indique notre route. Et déclare notre âme. Je crois me souvenir d'une chanson que ma mère chantait de sa belle voix certains soirs avant de nous coucher. La chanson raconte « Que m'as-tu donné, Père ? Mon âme est comme une pierre dure. Tu m'as laissé, Père, ta douleur, la douleur tzigane, qu'en moi, comme en toi, elle morde. Lorsqu'avec un couteau, on me coupe les ailes. Je n'ai pas pleuré, Père, j'ai chanté. Les femmes tziganes ne pleurent pas, même quand elles se consument, Père, elles ne versent pas une larme. La douleur, elle la soulage en chantant. Ce n'est pas ça qui nous rendra fréquentables, ni ne nous protégera de l'humiliation qui vous détruit le cœur. La poésie ne nous sortira pas de la pourriture de nos ghettos. Le centre de certaines villes nous est interdit. Et lorsque nous devons nous rendre à la mairie, on nous fait attendre jusqu'à la fermeture des guichets. Le lendemain et le lendemain encore. Et les jours qui suivent, ça recommence. Alors on n'y va plus. On reste là à ruminer notre déchéance. Tu entends ce que je dis ? Dans les campagnes, certains sont amenés à bouffer de la charogne, des bêtes crevées dans des champs. On me l'a dit, Bouquet. Traverse les frontières. Va à la découverte du monde. Foule la terre. Notre terre d'une beauté inépuisable. Apprends à l'apprivoiser, à lui parler. Et écoute-la lorsqu'elle souffre. Allez, va, va, va, comme je l'ai fait. Même sans savoir où tu vas. Qu'importe de savoir où tu vas, puisque tu vas. Mais comment je fais pour me tirer de ce pays sans un rond en poche ? Je mendie, je vole, je me prostitue. Est-ce cela que tu me conseilles de faire ? Gibor ne restera pas ici longtemps. Tu pourras l'accompagner, tant que tu le jugeras nécessaire. Comme bagage, j'aurai les vêtements que je porte. Je vais jouer du violon. Tu sais bien que je préfère l'accordéon. Est-ce qu'Aladine viendra aujourd'hui ? Mais grand-mère, Aladine est mort depuis plus d'un an. Tu seras un grand violoniste, réclamé partout dans le monde. Théodora, la jeune fille Théodora, prédisait un même destin à Aladine, quand il jouait de l'accordéon. Je n'ai plus toute ma tête, et ça me plaît. Théodora ferme les yeux, renverse la tête, visage ridé et chevelure de fil d'argent contre le dossier de son fauteuil, et plonge dans ses souvenirs. Théodora a 15 ans dans la plaine au bord du Delta. Un jour de chaleur d'été de 1935. Théodora a mis sa plus belle robe aux couleurs chatoyantes. Sa chevelure, noire encre de Chine, tombe jusqu'aux hanches et met en valeur la matité de sa peau. Sa mère, ses sœurs, l'aident dans sa toilette. On la pare de bijoux en or, en argent. Son père a décidé d'offrir sa plus jeune fille en mariage au fils d'un ami, un jeune homme qu'elle ne connaît pas. Après les fêtes du mariage, Théodora intégrera le clan de son mari, un jeune homme de 20 ans, dresseur de chevaux renommé. Je ne veux pas me marier avec Vassili, je ne l'aime pas. Le choix de ton père lui appartient. La jeune fille s'était confiée à sa grand-mère quelque temps auparavant. Chez nous, l'union des familles, comme leur prospérité, se discute entre les hommes. Il faudra t'y faire. Et te soumettre. Et surtout, donne des fils à ton mari. Sans cela, il ne te respectera pas. Je ne supporte plus d'entendre des propos qui ont fait le malheur de tant de femmes autour de moi. Voilà ma main. Allez, regarde-la. Lis et dis-moi ce que tu vois dans la rivière qui la traverse. Donne. Tu gagnes ta vie en prédisant des sornettes auxquelles tu ne crois pas toi-même. Tu dois bien être capable d'en inventer une petite pour moi. Tu l'as pas volé. Il est temps qu'un homme te dompte avant que tu deviennes une grue. Tu as le cœur et le corps possédés par un désordre que je ne veux pas connaître. Malheur à toi si tu ne te soumets pas. Voilà ce que je lis dans ta main si tu braves nos interdits. Nos lois qu'aucun homme n'a jamais écrites. Chez nous, les femmes obéissent aux hommes, les aiment et leur sont fidèles dans l'obéissance. T'as manqué un frère aîné qui aurait pu t'imposer une discipline. Ton mari t'y contraindra puisque ton père n'a pas veillé sur toi avec assez d'autorité. Le soir même, la jeune fille Théodora a demandé à sa mère... Toi aussi ton père t'a marié à un inconnu, comme mon père, ton mari le fait aujourd'hui avec moi. Oui, j'ai fini par aimer mon mari. Je sais ce que ton père t'inflige. Il respecte nos traditions. Et toi, tu acceptes sa décision sans réagir, sans penser à moi. Tu m'abandonnes et je résisterai. Théodora observe son mari. Il boit, il gesticule. Elle cherche des yeux son ami Aladdin, un jeune homme à peine plus âgé. Ils ont passé tant de temps ensemble. Ils s'aiment secrètement. Aladdin danse avec une fille. Aladdin sait lire et écrire. Il est le seul du groupe. Elle se souvient de ses larmes sur l'épaule de son ami lorsqu'elle lui a parlé des intentions de son père. Je ne vois qu'une solution pour toi, Théodora. T'en aller. M'en aller pour aller. Traîner dans les rues de ville que je ne connais pas et y perdre. Me faire insulter et agresser, je ne me sens pas le courage. Apprends à lire, à écrire, Théodora. Fais ce que j'ai fait. Donne-toi cette force. Cela, je ne vois pas qui pourra te l'interdire. Et une fois cette indépendance acquise, personne ne pourra te l'enlever. Un peuple ne peut ni se développer, ni évoluer s'il refuse de modifier ou d'interroger les règles qui le dirigent. Bravo, à votre couple, à votre bonheur et à vos enfants à venir. Et à ta chance, Vassili, de posséder une aussi belle fille. Montre-toi, Théodora. Embrassez-vous, vivons. Si je pouvais mordre, griffer, si la terre pouvait m'engloutir, invite-moi à danser, Aladdin. Mais tu ne le feras pas, tu ne peux pas le faire. Alors tu es parti. Donnez-moi à boire, dansons. Oui, buvons. Allez, viens, Théodora, viens, ma belle. Allez, viens. Qui c'est qui vient danser? J'en bois à mon bonheur. Bois. Cette nuit, tu dormiras sans t'apercevoir que je serai là. La nuit descend. Vassili danse. Il titube. Il fume. Théodora s'assied sur une bûche près d'un feu. Tu me fais horreur. Tu ne me toucheras pas. Un mot se répète en elle. Tourne avec obsession dans son ventre. Quelques couples dansent encore autour d'elle. Théodora reste près du feu, le regard égaré dans les flammes mourantes, les yeux vides et déteints de la vieille Théodora s'ouvrent. Je ne pouvais pas rejoindre Aladdin sur l'île aux oiseaux. Je n'avais besoin de personne pour savoir qu'il avait rejoint sa cabane au milieu du fleuve, au cœur du delta. Une ancienne cabane de pêcheurs qu'il avait aménagée selon son goût et dans laquelle il passait de longs moments à lire et à jouer de l'accordéon. L'île aux oiseaux ne porte plus ce nom. On l'appelle maintenant l'île aux fers ou l'île des supplices, en souvenir des esclaves tziganes qui ont mené des travaux forcés d'assèchement. On dit que leurs âmes habitent encore les courants du fleuve et tourmentent ses fonds jusqu'à l'abysse de la mer. Ma grand-mère racontait que des esclaves, malgré les boulets aux chevilles, se cachaient des jours et des nuits dans la boue des marais qui bordent le fleuve pour échapper aux chiens et à leurs maîtres et espérer trouver la liberté. On livrait aux chiens où l'on abattait les repris parce que les maîtres savaient que les hommes insoumis étaient contagieux et que leur soif de liberté constituait une menace plus redoutable que la lèpre. Ah. Allez, Tibor, c'est l'heure de ma sortie en ville. Sans flonflon ni trompette. Aujourd'hui, on va aller jusqu'au cimetière. Tu m'y laisseras si tu as des choses à faire et tu viendras me rechercher plus tard. Tibor a placé la chaise roulante sous les branches d'un tilleul. Une petite fille est assise au pied de la vieille Théodora. Adossée à l'une des roues de la chaise, elle fait tourner entre ses lèvres un brin d'herbe. Elle porte une robe délavée et déchirée à l'épaule. Elle est pieds nus. La vieille Théodora ne lutte pas contre la somnolence qui la gagne. Le ventre rond de sa femme constitue la nouvelle fierté de Vassili. Mon fils, ton avenir sera fabuleux. La lune toutes les nuits ne peut pas me tromper. Mon fils sera. Mon fils fera. Les futurs n'auront pas de limites ni de contraintes. Nous formerons un clan de conquérants, d'entrepreneurs. Nous nous ferons respecter comme des hommes. Aux droits égaux à ceux dont la majorité du peuple jouit. Et si pour réaliser ce rêve, nous devons nous montrer guerriers, nous le deviendrons. Oui, je vois loin. J'ai lu dans le déplacement des nuages, comme dans le galop des chevaux, que tout homme refusant sa condition d'inférieur doit conquérir son honneur par tous les moyens. Allez, buvons à ta paternité. Théodora travaille pour sa belle-mère, pour son beau-père, pour une belle sœur plus âgée, pour son mari. L'enfant bouge dans son ventre. Théodora, laisse-moi. Oh, laisse-moi, j'ai souillé. Elle laisse Vassili le caresser le soir, dans leur lit. Elle ne parle pas, ou si peu, puisque Vassili le veut. Elle se soumet. Vassili quitte souvent le campement pour se rendre sur les marchés, à l'entrée des villes. Il gagne de l'argent. Son père l'aide, lui apprend à ruser, à fausser les données concernant certains chevaux. Salaud. Mais parfois... Il m'a entubé. C'est pas un cheval qui m'a vendu, mais un bourricot. Je me suis fait avoir comme un apprenti. Allez, Théodora, réveille-toi. Ah, oh, laisse-moi, je suis fatiguée. Réveille-toi. Laisse-moi, je t'en supplie. Tu dois te réveiller, oui. Ah. Allez. Ah. Ah. Réveille-toi. Ah. Ah. Ah. Oh, j'ai mal. À la suite de cela, deux jours plus tard, Théodora perd son enfant. C'était La Théo des fleuves de Jean-Marc Turine, premier épisode. Avec Emmanuel Riva, Nita Klein, Émilien Gobard, Céline Jorion, Maël Bellec, Corinne Martin, Grégory Kidel, Leïla Nasser, Rosine Favé, Fabienne Chaudat, Martin Amic, Cédric Weber, Juliette Junot. Musique, violon Florent Maton, accordéon, Gabriel Levasseur.